rouler des édifices, fait que la terre va se tuer. Ces maisons et toutes les autres encore qui ont coûté tant, autant de vie humaine pour toi, rien que pour toi, compagnon du néant. C'est fini les supercheries, le culte du bon toi et du mauvais les autres. Tu n'as jamais eu qui bon que pour toi-même. Je viens poser les bombes au croisement des douches. Je donnerai à l'humain le droit de se vivre seul. Personne n'est mort pour vous. Personne ne peut mourir pour vous. Pour l'idée de quelques vierges attendant aux jambes ouvertes. On peut mourir par manque d'imagination. On peut mourir surtout parce qu'on n'a rien trouvé de mieux à faire. Ou pour se faire connaître. Mais on ne meurt pas pour les autres. On ne meurt que pour soi. Les larmes y voient ce qu'elles veulent. Il n'y a rien de justesse. Il n'y a que des failles menant à l'émotion. Il n'y a que la souffrance et le bonheur de quelqu'un. Une somme d'instants d'être, des amours insensés. D'abord, il y a cet homme dans ce grand champ jaune, ourlé de terre sèche, qui aime le printemps. Mais l'homme n'est pas là, pas là où je l'avais rêvé, alors le bosquet. Le bosquet plus intime. J'ai mis mon sexe en main. Le désir était là. Et puis j'ai commencé à faire venir la main. Jouer avec les doigts qui flottent sur la chair. De cette pointe ronde et le flux et le reflux et du plaisir qui monte et la chaleur s'en vient alors se dénuder et enlever tout ce qui touche à la peau pour laisser libre le la main sur la peau et les herbes qui frôlent. Se tenir tout le corps et continuer le va et le vient et lit. L'autre main maintenant qui caresse partout, qui découvre partout, qui part entre les cuisses, qui s'en va voir dessous, et les poils qui apportent des frissons volatiles. Quitter les vêtements, les chaussures, pour la peau sur la terre. Continuer la caresser, rouler sur la terre dans les feuilles, dans les cheveux, d'être d'accord et toucher partout la joie qui gronde. Oh, plantée sur les genoux, les jambes, les cuisses, les fesses, l'anus et le sexe posé sur les feuilles, dans les herbes et les fruits mûrs. Et la main qui vient sur le sexe, dans l'humus et montant et grimpant. Et puissant, épuisant, le précieux, le recherché, l'ébranlement. Maintenant le contact est tout ce qui me touche et la terre en prend corps. Pendant ces moments, tout n'est plus un plaisir à casser la maîtresse que je suis, couchée dans les feuilles.